L'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a inséré dans son homepage d'Internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung sur les trois principes de la réunification de la patrie. Par ailleurs, le journal népalais Arfan, les homepages d'Internet de l'Association des journalistes du Népal d'études des aides du Juche et de la politique de Sungun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont présenté le texte intégral de l'œuvre du président Kim Il-sung, réponse aux questions du président de l'Association des journalistes du Népal, avec le portrait en sourire du président.